C'est deux, coupé. Ils sont tous les mêmes, à vouloir être différents. Et je pisse ma tise et puis vise à côté. Pisse nos vis, un indice arrêté. Si t'es mon fils, je suis mis de roté. Disent que c'est la crise, mais qu'ils disent, s'il te plaît. À cause de mon acte, je suis devenu client d'une pute sans le savoir. Ils m'ont dit que 1 et 1 font 3, mais je n'étais pas dans l'histoire. Un pro de l'impro, la pauvre elle bave. Elle part dans mon dos, mais après le masque. C'est une grosse blague que tu me fais. Mais après le masque. Tu m'enlèves de tes amis Facebook, t'es vraiment sérieux là? Mais après le masque. Non, la vie de ma mère, tu me rappelles. J'ai dû attendre 8 mois pour qu'elle enlève le masque. Tous ces fils de pute, je les baisse comme leur mère. Devant eux, ils attendaient leur tour sur le tégo. Je vais les allumer, les fumer plusieurs fois dans l'année, les jeter à terre comme un mégot. Doubleur qui parle sans est jamais trop. Aucune différence, bab, tout est négro. C'est fort des pompes de la couleur de peau. Si j'entre en rage, tolérance zéro. Tu connais rien, dis-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi tu mens. Si je suis à côté du dernier, c'est que j'ai déjà un tour d'avance. Tu iras plus vite que ton ombre, as-tu déjà connu le soleil? C'est bien de faire de la musique, mais c'est mieux de bien la faire, c'est décuplé. La soirée va commencer au vol, fourré. La soirée va se terminer à Paname, bien entouré. La soirée va commencer au vol, fourré. La soirée va se terminer à Paname, bien entouré. Gros joint, beu pur, ce soir j'vais me terminer. Jack, da, balance. Oui, après je vais me terminer. Trop joint, bleu, pur. Ce soir je vais me terminer. Jacques, da, Valentine. Oui, après je vais me terminer. Oh, on est atteint, gros. Pas le fourré, Poissy, Paname. On est en train de se mettre bien là. Vas-y, gros, remets ce putain de refrain. Gros joint, bleu, pur. Ce soir je vais me terminer. Jacques, da, Valentine. Oui, après je vais me terminer. Gros joint, bleu, pur. Ce soir je vais me terminer. Jacques, da, Valentine. Oui, après je vais me terminer. Gros joint, bleu, pur. Ce soir je vais me terminer. Jacques, da, Valentine. Oui, après je vais me terminer. Gros joint, bleu, pur. Ce soir je vais me terminer. Jacques, da, Valentine. Oui, après je vais me terminer. J'avance et je roule GTA. Open mic de Mante, moi j'étais là. Dédié à Samska et MSK. C'est grâce à vous que je suis là. La centrale, centrale clan et mon clan. Les gens qui me soutiennent et voilà pourquoi je continue le peu rat. Merci à tous, à vous, à lui et à toi. C'est ma vie, c'est la mienne, je m'en fous de ce que tu dis ou ce que tu penses. La vie est une chaîne, à force d'aboyer on finit par remarquer ton silence. Je t'ai vu faire un freestyle, j'étais mort de rire, t'es aussi banal qu'un chinois avec un bol de riz. La soirée va commencer au vol, fourré. La soirée va se terminer à Paname, bien entouré. La soirée va commencer au vol, fourré. La soirée va se terminer à Paname, bien entouré. Gros jeu, bleu, pur. Ce soir, je vais me terminer. Jack, da, Valentine. Oui, la paix, je vais me terminer. Gros jeu, bleu, pur. Ce soir, je vais me terminer. Jack, da, Valentine. Oui, la paix, je vais me terminer.